Chapitre 7e. Tout à l'heure encore, Éléonore demandait au ciel d'être ramenée à Dieu, même par la voie semée d'épines. Elle comprit, dès les premiers mots prononcés par son frère, que son vœu allait être exaucé. Il ne venait pas consoler, mais censurer. Du droit que s'arroge la vertu sur le vice, armé d'inflexibles principes, fort de sa conscience irréprochable, cet impeccable et rigoureux conseiller s'était promis de ne pas tolérer que la fille de sa mère donna au monde le scandaleux exemple d'un divorce légal. Seul, il avait deviné, dès longtemps deviné, qu'Éléonore aimait David Stuart. Ceci lui donnait sur la conscience déjà ébranlée de la pauvre jeune femme une autorité dont il eût abusé volontiers et contre laquelle Éléonore se fût certainement révoltée si son parti n'eût été pris avant cette pénible entrevue. Elle ne s'en laissa détourner ni par les injustes accusations de Godfrey, ni par ses dures paroles, ni même par le mépris dont il accablait David Stuart, peu soucieux de froisser chez sa sœur les plus intimes, les plus profondes susceptibilités. Noblement résignée, elle fit mieux encore, elle accepta l'hospitalité que Godfrey lui offrait auprès de sa femme, bien que cette offre n'eût rien de très séduisant en elle-même, et qu'elle n'empruntât aucun attrait à la brusque franchise avec laquelle Godfrey déclarait agir en ceci bien plus pour la mémoire de leur mère que par affection ou dévouement pour Éléonore. La raison l'emportait donc, ou plutôt encore que la raison, l'empire des idées acquises, l'influence de l'éducation, le sentiment du devoir, le respect de la foi jurée, le poids du serment consacré par les dépositaires de l'autorité divine. Tout cela eût-il suffi si David Stuart, n'écoutant que son amour, fut accoureux près d'Éléonore alors qu'elle quittait, pour lui obéir, un époux infidèle, une maison où l'avait été abreuvée d'outrages. Hélas, Éléonore elle-même, dans la sincérité de son âme, n'osait pas s'en flatter. Une première lettre de son tuteur, lettre de reproche amer, violent, injuste, qui arracha des larmes à ses paupières taries, obtint une réponse où cet aveu lui échappait. « Vous me dites que je ne vous aimais point. Ah, ne m'enseignez pas la triste science des récriminations poignantes. Vous m'avez aimé, vous, depuis que vous avez eu le temps de songer à moi. Mais moi, c'est depuis mon enfance que je vous aime. » Votre amour pour moi fut une pensée entre mille autres. Mon amour pour vous a été le lien de toutes mes pensées depuis que je me connais. Vous supposez peut-être que l'amour est impossible à des êtres séparés pour jamais. Vous supposez alors que je n'ai pas chéri votre mémoire pendant ces longues années où je vous croyais mort et que vous avez passé en Amérique. Ah, sachez-le donc, par-dessus toute réalité présente, actuelle, j'ai adoré le cher rêve de ce passé perdu qui avait mêlé pour un temps nos existences. Pendant les années que nous avons vécues ensemble, lecture, études, méditation, tout se rapportait à vous, à celui que je regardais comme ne devant jamais me quitter. Dans les années qui suivirent votre perte, ce fut en souvenir de vous que je continuai à lire, à étudier, à réfléchir. Une page marquée par vous, un trait de votre crayon à la marge d'un de mes livres, rien sous le ciel ne réjouissait autant mes yeux. Et je vous aime encore, cher David Stuart. Le bonheur, non l'amour, s'en est allé. Le bonheur, qui jamais ne me fut destiné, je le crains bien. Vous dites que j'avais bien compris la lettre où vous m'engagez à quitter Penryn Castle. Vous avez raison. J'y attachais le même sens que vous. Une fois libre, être votre femme, c'est bien là ce que vous entendiez m'offrir. Vous dites que j'ai accepté. Vous avez encore raison. Vous pourriez ajouter, sans vous tromper davantage, que si, dans cette journée fatale, à l'heure où la tentation se trouva la plus forte, vous fussiez venu à moi, j'étais perdu sans retour. Mais ne regrettez point que ceci n'ait pas été. Sachez m'aimer assez pour ne pas le regretter. Remerciez au contraire le ciel d'être venu en aide à ma faiblesse. » Avant que ces lignes eussent passé sous les yeux de David Stuart, il avait compris lui-même qu'il devait une réparation à la pauvre femme dont il avait, dans un premier dépit, méconnu la tendresse et la généreuse abnégation. Une seconde lettre de lui, tracée peu d'heures après la première, était venu atténuer l'effet de celle-ci. Il acceptait la séparation éternelle à laquelle son ami les condamnait tous deux. Il déplorait, sans en accuser personne que lui-même, cette fatalité qui deux fois l'éloignait d'Éléonore, deux fois lui enlevait l'idéal de l'amour, l'idéal de la perfection. Vivre en paix, prier pour lui, David Stuart ne demandait rien de plus à sa chère et charmante pupille. Éléonore avait renoncé à l'idée du divorce. Elle était inébranlable dans celle d'une séparation définitive et ne voulait plus, à aucun prix, sous aucune condition, retourner auprès de Sir Stephen. Il fallut donc essayer un arrangement sur ces bases, et Godfrey Marsden s'en chargea. Mais les lois anglaises lui laissaient peu de ressources, et Sir Stephen n'accordait presque rien au-delà. Sa femme l'avait quitté, disait-il, sans y être autorisé. Il n'était nullement disposé à se séparer d'elle. Ayant égard aux circonstances dans lesquelles elle s'était éloignée, et à l'état de santé fort précaire où Godfrey l'assurait qu'elle était réduite, il consentait à lui faire, pour le présent, une pension suffisante à ses besoins. Mais si, sa santé une fois rétablie, elle ne retournait pas auprès de lui, il menaçait de faire intervenir la justice pour obtenir qu'Eleanor revînt à Penryn Castle. Et enfin, si elle méconnaissait les ordres de son mari, ses droits reconnus par les tribunaux du pays, Sir Stephen, dégagé de toute obligation envers elle, cesserait de pourvoir en aucune manière aux nécessités de la vie. Rendons à Marsden cette justice, qu'il s'indigna de tant de rigueur, mais son indignation, dont ses murs assez peu les attornaient et gens de loi chargés par Sir Stephen de débattre cette affaire, n'aboutit qu'à obtenir une légère augmentation de la pension offerte par ce mari impérieux. Il fut aussi convenu que cette pension serait servie pendant un terme fixe de 2 années. Eleanor accepta ce répit comme elle acceptait, depuis son arrivée chez son frère, tout ce qui pouvait survenir, comme elle acceptait ses âpres censures, l'autorité qu'il s'attribuait sur elle, les soupçons blessants qu'il lui témoignait parfois, et les brusques allusions qu'il faisait soit à la dégradation dont il l'avait retirée, soit au projet de divorce dont il semblait appréhender le retour. Mrs. Marsden, insignifiante et douce créature, nonobstant qu'elle fût en tout point le fidèle écho de son mari, n'avait pu se défendre d'une vive affection pour Eleanor. Leurs enfants l'adoraient. Il est vrai qu'en mémoire de Frédéric et de Cléphane, elle aurait été une seconde mère, tout aussi dévouée, mais bien autrement intelligente que Mrs. Marsden elle-même. Par malheur pour eux, ses forces n'étaient plus au niveau des soins qu'elle voulait prodiguer à leur éducation, à leur santé. On fut quelque temps à s'en apercevoir aucun mal apparent n'appelait sur Eleanor l'attention distraite de ses proches. Elle changeait cependant, elle s'affaiblissait peu à peu, et parfois elle se prenait à méditer cette locution particulière à l'idiome anglais, mourir de cœur brisé. Mourir comme la fleur dont la tige est atteinte, mourir après quelques délais d'une sorte de vie sans sève, se flétrir, s'effeuiller, sécher sur pied. Les médecins, consultés, ne trouvaient rien à ordonner de mieux que les distractions et le changement d'air. Ils disaient que rarement ils avaient eu à constater une prostration aussi complète, sans aucun autre symptôme de maladie. Ils ajoutaient que les Anglais nés dans l'Inde sont plus spécialement sujets à ces langueurs énervantes, à ces atonies d'une constitution faible et délicate. Cette maladie, qui n'était pas une maladie, impatientait Godfrey, bien plus encore qu'elle ne la pitoyait. Pourquoi Eleanor ne voulait-elle pas être heureuse? Qui l'en empêchait? Et quel lot que le sien pour une personne plus sensée! Cependant, il se souvint des soins assidus qu'elle donnait à ses enfants malades, des longues nuits qu'elle veillait à leur chevet, et il décida que la famille irait passer 2 mois en Suisse. Eleanor partit sans regret. Il lui sembla même, en quittant l'île de Wight, où les Marsden résidaient, que ce serait un soulagement pour elle de ne plus voir éternellement cette mère sans repos, si monotone, dans ses régulières alternatives d'ombre et d'éclat, de tempête et de sérénité. Mais au sein des Alpes, sa santé ne s'améliora point. Dès les premiers jours, elle se sentit plus fatiguée que jamais. Dans une promenade sous le lac Léman, elle prit froid, faute des précautions nécessaires, et une légère inflammation de poitrine la força de rester à Genève, sous la garde de son affectueuse belle-sœur, tandis que Godfrey, toujours actif, allait venait de tous côtés. Elle était un soir étendue sur un sofa, tout auprès d'une croisée sous laquelle le Rhône roulait ses flots d'un bleu vif, lorsqu'un voyageur se fit annoncer à elle. C'était un honnête Écossais, vivant ordinairement à Penryn Castle, dans les termes d'une intimité un peu subalterne. On eût pu le croire chargé par Sir Stephen de quelque mission nécessairement peu agréable. Mais dès les premiers mots, il prit soin d'éloigner cette hypothèse. Il allait, disait-il, à Naples porter à la duchesse douairière de Lanark quelques nouvelles relatives à l'heureux événement qui venait de s'accomplir et qui devait assurer le bonheur de Lady Margaret. « Et qu'est-il donc survenu de si heureux à Margaret ?» demanda Eleanor avec un doux sourire. « Vient-elle d'acheter un autre Dunlef ?»« Je vois, madame, que vous n'avez pas fait réclamer vos lettres à la poste, » repartit le placide messager avec un sourire non moins doux. « L'heureux événement dont je parlais est le mariage de Lady Margaret avec M. David Stuart. » À ces mots, Eleanor frissonna légèrement et devint fort pâle. Elle put cependant demander ses lettres qui justement venaient d'arriver, mais quand elle eut reconnu sur l'adresse de l'une d'elles l'écriture de Lady Margaret, elle voulut vainement l'ouvrir, et après quelques efforts convulsifs, la laissa échapper de ses mains affaiblies. Cette lettre, vraie sentence de mort, était la plus gaie du monde. Ignorant absolument le secret que Lady Penrhyn avait soigneusement enfoui au plus profond de son âme, Lady Margaret lui racontait comment une ancienne amitié d'enfance qui la liait jadis à David Stuart et qu'elle avait dû oublier en épousant M. Fordyce s'était naturellement réveillée lorsque de fréquents rapports de voisinage les avaient réunis tantôt chez le duc de Lanark, tantôt à Dunleth, si bien qu'un jour, parlant de ce dernier domaine et de l'établissement qu'on y pourrait former, une même idée, accueillie par tous avec bonheur, s'était présentée à leur esprit. Cette idée, si simple, si facilement admise, c'était d'unir Hardlocky et Dunleth, de rendre à ce dernier manoir la splendeur qu'il avait perdue et, ajoutait en propre terme Lady Margaret, d'y préparer un nid de duvet pour notre colombe blessée. La colombe blessée tressaillit quand ses yeux s'arrêtèrent sur ces mots. La triste réalité cependant ne lui apparut bien distincte que lorsqu'elle vit au bas de la lettre la signature nouvelle de son amie Margaret Stuart. Ces deux mots résumaient pour elle trois pensées terribles. Il ne m'aimait pas. Je l'aime et je meurs. Il a Dunleth, il a Marguerite, il est heureux, et je ne suis pour rien dans son bonheur. Éléanore ne survécut que peu de jours. Tantôt en accès de fièvre, tantôt en redoublement de faiblesse. La fièvre toujours plus forte, l'abattement toujours plus complet. Les médecins fronçaient le sourcil en se parlant d'elle. Puis, immédiatement après, ils causaient politique, voyageurs anglais, clientèle, etc. Godfrey est allé au glacier de Chamonix pour employer le temps qu'Éléanore mettrait à se rétablir. Un soir, Emma Marsden était seule avec sa belle-sœur. Celle-ci s'était assoupie. Elle ouvrit tout à coup les yeux. « Priez donc Margaret de chanter encore, dit-elle. « À quoi songez-vous ? » repartit Emma. « Personne ici n'a chanté. »« Oui, vous avez raison. Je croyais cependant bien entendre ma chère Margaret et sa chanson favorite, « Le pays de loyauté. » Et tenez, il me semble encore... Mais n'est-ce pas le bruit des eaux de la Lyne, se heurtant au rocher d'Esfandale ? C'est le Rhône, cher ami. Vous savez qu'il passe sous nos fenêtres. Sans doute, sans doute. Vous avez encore raison, ma bonne Emma. C'est moi qui divague. Mais qu'ai-je donc ce soir ? Bonne sœur, sans vous effrayer, appelez quelqu'un. Je me sens bien mal, bien plus mal. Emma n'eut qu'à jeter les yeux sur Éléanore pour se convaincre qu'elle disait vrai. Aussi revint-elle de la chambre voisine, après avoir demandé du secours, son livre de prière à la main, comme elle s'agenouillait au chevet de sa belle-sœur. « Dites à Godfrey, quand il reviendra, » murmura Éléanore. « Et il devait revenir le soir même. « Dites-lui, » reprit-elle avec un effort, « que je le remercie. « Nous ne nous sommes pas toujours bien compris, mais je le remercie néanmoins. « Qu'il le sache, à son retour. » La femme de chambre appelée par Emma venait d'entrer. Éléanore se souleva dès qu'elle la vit. « Soutenez-moi, » lui dit-elle, et levant les yeux vers le ciel étoilé. « Emma, » continua-t-elle d'une voix plus assurée et avec une expression d'extase épandue sur ses traits. « Emma, je vois mes enfants. Je les vois comme je vous vois. Là, là, mon doux Cléphane, mon gentil Frédéric. Ils m'attendent. Comment se peut-il ? Si près et si loin ?» Le sourire extatique flotta un moment encore sur les lèvres de la mourante. Il s'effaça en partie, puis il resta fixé comme par un pouvoir mystérieux. Le corps s'appesantit dans les bras qui le soutenaient, et Éléanore commença à ne plus souffrir. Quand Godfrey rentra chez lui, 2 heures après, il trouva sa femme en pleurs auprès du lit funèbre. À peine le vit-elle qu'elle se hâta de comprimer ses sanglots. Lui-même ne pleura point, mais son regard s'arrêta, triste et morne, sur cette beauté qui n'était plus. Après quelques minutes de réflexion, il se retourna vers sa femme. « Tout est pour le mieux, » dit-il. « La volonté de Dieu sera faite. Faible comme nous avons eu cette femme contre les aspirations du mal, nous devons penser qu'elle échappe à de bien grands périls. » Même en ce moment, il se faisait juge de la pauvre morte. « Rigide, implacable vertu, quel privilège t'arroches-tu donc ?